je striptease. Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour s'en vont, une à une et mes illusions. À chaque nuit, un autre automne s'effeuillerait bien monotone. Et tout ceci pour qui, pourquoi? Est-ce pour lui, est-ce pour toi? Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu es soit dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères. De ma bouche à ma jarretière, car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. Ici s'achève le striptease qui te grise et m'idéalise. Voici la chair de la poupée, ses vêtements éparpillés. Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme à genoux, et je reste en tout point pareil.